إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية وشر متفرقين متباغضين يسوسهم الغلبة والجهل والقومية والعصبية وفوق ذلك كله كانوا مشركين الكل يعبد إلها فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نبيه وخليله محمدا سيد الأنام عليه الصلاة والسلام فعلمهم بعد جهالة وجمعهم بعد فرقة وآخى بينهم فأصبح الغني أخا الفقير فأصبح الغني أخا للفقير والأبيض أخا للأسود ولقد امتن الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بهذه النعمة الكبرى الأخوة الإسلامية الأخوة الدينية قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فهكذا فعل الإسلام بالأوس والخزرج قبائل أهل المدينة بعد طول عداوة وحرب وألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم وجمعهم وقواهم وأصلحهم بالإسلام ومتابعة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وتحقيق الأخوة الإسلامية الدينية فالإسلام يجمع ويؤلف ويصلح لا المال يجمع ولا النسب لا المال يجمع ولا النسب ولا اللون ولا العصبية بل الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على ذلك قال الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم عباد الله هذه الأخوة الدينية لها شأنها في الإسلام وأهميتها في ديننا وحياتنا هي من ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى ومن براهنها قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين إن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله، رواه الطبراني. ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فاسأل نفسك يا أخي أين نحن من هذه الآية وتحقيقها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. كل هذه النصوص يا عباد الله تبين لنا عظمة الأخوة الدينية وأهميتها في ديننا. هذه الأخوة لها أطيب الثمار وأعظم الثمرات في الدنيا والآخرة. بها يحبك الله ربي وربك سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: أي الملك، هل لك علي من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال له الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم. فمن حقق هذه الأخوة الدينية نال محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهكذا يكرمه الله عز وجل يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. ورحم الله من قال: استكثرن من الإخوان إنهم خير لكانزهم كنزا من الذهب، فالأخ لأخيه أغلى وأعظم من الدنيا وما فيها. ومن حقق هذه الأخوة الدينية نال حلاوة الإيمان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعل من المتحابين بجلاله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Avant l'avènement de l'islam, les gens étaient dans un égarement, dans une grande ignorance. Ils étaient divisés et l'inimitié régnait entre eux. Les commandait le fort. C'était la loi du plus fort, de l'ignorance. Il y avait des liens fondés sur autre que la droiture et la justice. Et pire que tout cela, ils étaient plongés dans le polythéisme. Et chaque peuple, chaque tribu adorait une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala envoya son prophète, son messager, son bien-aimé, le meilleur de l'humanité, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a transmis la science utile et leur a enseigné les actions pieuses et bénéfiques. Il les a fait sortir de l'ignorance par son enseignement, de la division. Il les a unis sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a fait du croyant le frère du croyant. Le riche est devenu le frère du pauvre. L'arabe est devenu le frère du blanc et du noir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite ce grand bienfait par lequel il nous a comblés dans de nombreux versets du Coran. À titre d'exemple, il nous dit, selon la traduction des sens de ce verset de Sourate Ali Imran, et cramponnez-vous tous ensemble à l'anse d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui a uni entre vos cœurs, et vous êtes devenus par sa grâce des frères, alors que vous étiez auparavant au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets, ou bien ces signes, afin que vous soyez bien guidés. Voici ce que l'islam fait. Voici ce que l'islam fait des peuples après la révélation et l'envoi d'un prophète, alayhi salatu wassalam. Voici ce que l'islam a fait des différentes tribus de Médine, Al-Aws ou Al-Khazraj, après de longues années de guerre et de combats, d'haine et de division. Allah subhanahu wa ta'ala, de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a uni entre leur cœur et leur corps. L'islam unit, l'islam réforme, l'islam purifie les gens. N'a la capacité d'accomplir et de concrétiser cela personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni l'argent, ni la couleur, ni les origines ne sont capables d'unir entre les cœurs des gens. Mais seul Allah subhanahu wa ta'ala, de par l'envoi de son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, a concrétisé cela. Et il nous dit dans Sourate Al-Anfal, selon la traduction des sens, il a uni entre vos cœurs. Si vous aviez dépensé tout ce que la terre contient, vous n'auriez pas pu unir entre leurs cœurs. Mais Allah a uni entre eux. Il est certes puissant et sage. Comment est-ce qu'on aurait pu unir entre deux groupes qui se sont combattus de nombreuses années, qui se sont combattus et détestés de nombreuses années? Seul Allah Azza wa Jal a pu faire cela. Tout cela nous montre, mes chers frères, l'importance de la fraternité en islam, sa grande place dans notre religion, car ceci est le fruit même de l'amour qu'on porte à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'essence même de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le grand savant Muhammad ibn Abi Bakr, connu sous l'appellation d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dit: et certes, l'amour du bien-aimé, certes découle de l'amour du bien-aimé le fait d'aimer ce qu'il aime, le fait d'aimer ce qu'il aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants, tu dois donc de les aimer. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous rapporte la parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il nous dit, selon la traduction, et j'ai écourté le hadith: l'anse le plus solide de la foi et le fait d'aimer pour Allah. Et le fait d'aimer pour Allah. Il nous dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala, sur la traduction des sens, les croyants ne sont que des frères. Chaque croyant est le frère de l'autre. Les croyants ne sont que des frères. Donc, que chacun d'entre nous se pose la question, où en sommes-nous devant la fraternité? Où en sommes-nous devant les droits que l'on se doit d'accorder à chaque croyant, à nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala? Avons-nous concrétisé ce verset? On l'entend, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les discours du vendredi, que ce soit dans les conférences. Mais où en sommes-nous quant à son application et sa concrétisation? Pour qu'on comprenne encore mieux l'importance de ce sujet, écoutons le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il nous dit, selon la traduction, le croyant est le frère du croyant. Il ne l'opprime pas. Il ne l'opprime pas. Il ne le trahit pas. Et il ne le méprise pas. Le croyant est le frère du croyant. Il ne l'opprime pas. Il ne le trahit pas. Et il ne le méprise pas. Rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Dans un autre hadith, selon Nu'man ibn Bashir, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, l'exemple des croyants dans leur amour mutuel et leur piété et leur pitié, pardon, et leur pitié l'un pour l'autre ressemble à l'exemple d'un corps. Si une partie du corps sent la douleur, tout le corps souffre de l'insomnie et de la fièvre. Rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Et Abu Musa radiallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est pour le croyant comme un édifice. Ces éléments se soutiennent les uns les autres. Il nous faut donc comprendre l'importance de ce sujet, l'étudier et se demander quels sont les droits du croyant sur nos personnes. Et cela sera l'objet de la prochaine khutbah, inshallahu ta'ala. Car très nombreux sont les versets et les hadiths nous apprenant l'importance de la fraternité en islam. Et sache, cher frère, que si tu concrétises la fraternité en islam, tu obtiendras de nombreux bénéfices, de nombreux mérites, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Parmi les plus grands de ces mérites, le fait que tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes, t'accordera et te comblera de son amour subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme a visité un frère à lui dans une autre cité. Allah a mis sur son chemin un ange pour l'épier et l'observer. Lorsqu'il eut atteint cet ange, il le questionna. L'ange questionna cet homme, où veux-tu te rendre? Et l'homme de lui répondre, je vais visiter un frère à moi dans telle contrée. Alors l'ange lui a dit, est-ce que tu as une entreprise avec lui? Est-ce que tu dois faire quelque chose, réparer quelque chose? L'homme lui a dit non. Non, si ce n'est seulement que je l'ai aimé pour Allah. La cause de mon voyage, c'est visiter mon frère en Allah, car je l'ai aimé pour Allah, Azza wa Jal. Alors l'ange lui a dit, sache que je suis l'envoyé d'Allah à ta personne, afin de t'informer qu'Allah t'a aimé tout comme tu l'as aimé. Allah t'a aimé tout comme tu l'as aimé. Voici ce que fait la fraternité en islam. En concrétisant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu concrétiseras l'amour de ceux qu'Allah a aimé subhanahu wa ta'ala. Et Allah t'honorera de par son amour dans ce bas monde et l'au-delà. Aussi, le jour terrible du jour du jugement dernier, alors que le soleil sera abaissé au-dessus des têtes et que les gens sueront et qu'ils seront dans la grande difficulté, certaines personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi celles-ci, comme nous le relate le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Hurayrata radiallahu anhu, certes Allah dira le jour de la résurrection, où sont ceux qui se sont aimés? Où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Aujourd'hui, je les mettrai. Aujourd'hui, je vais les mettre sous mon ombre, en dehors de laquelle il n'y a pas d'autre ombre. C'est-à-dire l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, rapporté par l'imam Muslim. Donc, aie pleinement connaissance de l'importance de celui qui se trouve à tes côtés, de celui qui t'accompagne dans ce bas monde et que tu retrouveras dans l'au-delà, ton frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les grands mérites de cette fraternité, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala te comble de la perfection de la foi, de son goût et de son délice. Comme le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, trois choses, trois caractéristiques, celui qui les a goûtera au délice de la foi. Qu'il aime Allah et son messager plus que tout autre. Qu'il aime la personne ne l'aimant que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé. Tout comme il détesterait être jeté dans le feu. Et pour conclure, ceux qui se sont aimés sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, le jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala leur accordera des visages de lumière. Il les élèvera, il leur donnera une place particulière, proche de lui, sur des chairs de lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans le hadith de Mu'ad, radiallahu anhu, al-mutahabbuna fi jalali. قال الله تبارك وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلاله وبلتو قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى المتحابون في جلاله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء الحديث رواه مسلم النبي عليه الصلاة والسلام نودي Allah dit, ceux qui se sont aimés pour ma gloire auront des chairs, des trônes faits de lumière. Ils seront enviés par les prophètes et par les martyrs. Ils seront enviés par les prophètes et par les martyrs. Et Muhammad ibn al-Munkadir, rahimahullah ta'ala, disait, ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث قيام الليل أو قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة في جماعة. Un des grands savants chez les anciens disait, une personne très pieuse disait, il ne me reste plus des plaisirs de ce bas monde si ce n'est trois choses. Si ce n'est trois choses, le fait de prier dans la nuit, le fait de rencontrer mes frères en Allah et la prière en groupe. Il nous faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, considérer nos frères en Allah et savoir la grande importance et la grande place qu'ils ont dans notre religion. Et inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on se rappellera les droits qu'ont nos frères sur nos personnes. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yu'inana ala tahqiqi hadhihi al-ukhuwah ad-diniyah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألا وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أداء الصلاة أيام الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى تراس وسط الخلق هذا بدل المناكب والأقدام استوى لا تختلف